maître au portail, des beaux chers aux portails. Mais celle maître les plus jolies, aussi vraie main qui me rapille, il donne les bouquets, et l'aurait les bien bouquets. Ainsi on s'acquête drôle, l'autre qui a contrôle. Sans s'appuyer, y'a les stockies, l'amour d'un vrai voyer. Saigne-moi les yeux du mariage, apprêtez, apprêtez ton bon bouquet. Pour les mettre au portage, des beaux chers au banquet. Mais elle mène les plus jolies, aussi vraies mains qui me rappellent. Cette petite Marie, comme elle est plus jolie, qui n'embarras, parce qu'il est tout là, qui a signé le contrat. Donne-moi les petits mariages, apprêtez, apprêtez, trop beau bouquet, pour les mettre au portail, des beaux chers. Mais elle mène les plus jolies, aussi vraiment des bravies. Il donne les bouquets, et l'aurait les bien bouquets. C'est moi qui vaut sa pièce, à diète aussi honnête. Faut qu'on m'a dit, qui me bat à qui. Al poids à ton pays, donne-moi le coup du mariage, apprêtez ton bon bouquet, pour les mettre au portail, des beaux chers au banquet. Mais elle mène les plus jolies, aussi vraiment.